Dans une zone de rencontre peuvent circuler les piétons, réponse A, les cyclistes, réponse B. La vitesse est limitée à 20 km/h, réponse C, à 30 km/h, réponse D.